Permettez-moi de vous rappeler brièvement les étapes franchies ensemble dans notre étude. Au premier chapitre de Daniel, quatre jeunes Hébreux, Daniel et ses amis, sont emmenés captifs à la cour de Babylone. Cela se passait en l'an 605 avant Jésus-Christ. Le deuxième chapitre nous parle du songe du roi Nebuchadnezzar, le songe de la statue dont Daniel reçut l'explication de la part de Dieu. Ce songe annonçait la succession des quatre empires de l'Antiquité, un thème qui sera repris précisément au chapitre 7. Puis, nous nous sommes arrêtés au récit des trois jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, Daniel chapitre 3, à la proclamation royale de Nebuchadnezzar repentant, Daniel chapitre 4, au jugement divin sur son petit-fils Belshazzar, Daniel chapitre 5, et enfin, à l'histoire inoubliable de Daniel dans la fosse aux lions, chapitre 6. Nous arrivons aujourd'hui au chapitre 7, ce chapitre qui ouvre la section prophétique du livre de Daniel. Dans cette section, Dieu révèle à son serviteur ses plans d'avenir par des songes, une méthode qu'il employait dans les temps passés avant que la Bible, la révélation écrite de Dieu, ne soit complète. Ces prophéties concernent avant tout Israël et sa place au sein des nations. La plupart des événements annoncés concernent une époque qui est encore devant nous, peut-être très proche de nous. C'est dire à quel point ce message est d'une brûlante actualité. Déjà, les deux premiers versets du chapitre 7 nous mettent dans le bain, si vous me passez l'expression, puisque le premier verset situe le cadre historique et le deuxième verset le cadre géographique de cette importante prophétie. Voici ce premier verset. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe. Il écrivit le songe et raconta les principales choses. La première année de Belshazzar. Je rappelle que le chapitre 5 de Daniel nous racontait le dernier jour du règne de Belshazzar, roi des Chaldéens. Daniel chapitre 7 est donc antérieur, puisqu'il parle de la première année du règne de ce roi. Cependant, le bouleversement politique annoncé par ce songe à Daniel ne se limitera pas à Babylone, où résidait Belshazzar, ni à Suse ou Persépolis, les capitales successives des Mèdes et des Perses, mais à l'ensemble du bassin méditerranéen, comme le montre le verset 2. Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. À l'époque de Daniel, on parlait de la Méditerranée comme de la grande mer. Quant à l'image des quatre vents des cieux, elle se retrouve dans l'Apocalypse, au chapitre 7 et 9, où elle évoque les grands courants politiques et idéologiques qui perturberont l'humanité à la fin des temps. Cette prophétie met donc en évidence le rôle déterminant joué par certaines puissances politiques surgies autour de la Méditerranée à la fin des temps, ou si vous préférez, à notre époque. C'est donc le bouleversement international en gestation aujourd'hui que Daniel dépeint dans cette prophétie. Mais avant d'aller plus loin dans l'étude de ce chapitre 7, j'aimerais établir l'analogie qui l'unit au chapitre 2. Vous vous en souvenez peut-être. Nebuchadnezzar, dans son songe, avait contemplé une grande statue. Tête d'or, poitrine d'argent, cuisse d'airain, jambes de fer et d'argile. Une statue qui s'était écroulée lorsqu'une pierre l'avait frappé à ses pieds. Daniel l'avait alors expliqué au roi, les divers matériaux de la statue correspondaient à quatre empires qui allaient se succéder au cours des siècles. L'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire grec et enfin l'empire romain. Parallèlement à Daniel 2, la prophétie de Daniel 7 s'ouvre également sur le thème des quatre empires de l'Antiquité. Toutefois, ce ne sont plus ici les matériaux hétéroclites d'une statue qui les préfigurent, mais quatre animaux féroces. Nous lisons Daniel 7, 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. L'emblème de Babylone, c'était précisément le lion aux ailes d'aigle. Les archéologues l'ont retrouvé dans les ruines de l'antique cité. Mais poursuivons la lecture. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Nebuchadnezzar avait conquis le monde antique, mais sous ses successeurs, une province après l'autre furent arrachées à la suprématie de Babylone. Quant à la troisième partie du verset, le lion fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Elle fait allusion à l'expérience personnelle de Nebuchadnezzar racontée par Daniel au chapitre 4. Frappé de folie pendant 7 ans, Nebuchadnezzar avait été chassé du milieu des hommes jusqu'à ce que sa raison lui revienne et qu'il donne gloire à Dieu. Alors, son cœur d'homme lui a été rendu. Mais poursuivons la lecture de Daniel 7, le verset 5. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » L'ours a donc pris la place du lion aux ailes d'aigle. En d'autres termes, les Mèdes et les Perses ont succédé aux Chaldéens dans l'exercice du pouvoir universel. L'ours a dévoré 3 côtes, c'est-à-dire l'Égypte, la Babylonie et l'Asie mineure, conquises militairement par les Perses. Et l'histoire raconte que l'empereur Xerxès engagea 1 million de soldats pour tenter d'envahir la Grèce. La patte de l'ours était alors particulièrement lourde. Le texte de Daniel 7 continue par ces mots. Après cela, je regardais, et voici, un autre animal était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Entre les années 335 et 323 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand a conquis le monde de la Grèce jusqu'à l'Inde. C'était lui le léopard. Parvenu au faîte de sa gloire, il a succombé aux fièvres à l'âge de 33 ans. Ses 4 généraux, les 4 têtes du léopard, se sont alors partagés cet immense territoire. Cassandre s'attribua la Macédoine, Lysimaque l'Asie mineure, Ptolémée l'Égypte et Séleucus la Syrie. Cette prophétie de Daniel, écrite 2 siècles avant son accomplissement historique, était tellement précise qu'elle a posé un sérieux problème aux détracteurs de la foi qui refusent de croire en l'inspiration divine des Saintes Écritures. Aussi ont-ils attribué ce chapitre à un auteur de leur imagination vivant au 3e siècle avant Christ. Mais Dieu qui connaît tout d'avance n'avait-il pas la possibilité de révéler ses secrets à Daniel même 3 siècles avant les événements? En accomplissement de la prophétie de Daniel, la Palestine a donc été successivement occupée par le lion, Babylone, l'ours, les Mèdes et les Perses, et le léopard à 4 têtes, la domination grecque, c'est-à-dire l'empire d'Alexandre, démembré ensuite en 4 royaumes. La souveraineté passa ensuite à l'empire romain, préfiguré dans le songe de Daniel par un 4e animal, un animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Daniel 7, 7. Chers auditeurs, le temps passe. Je suis obligé de remettre à la prochaine fois l'interprétation de ce verset et des suivants qui dépeignent à la fois l'Empire romain et la période actuelle de l'histoire du monde. Mais sans doute avez-vous été frappé par 2 faits. D'une part, l'accomplissement littéral de la prophétie dans l'histoire. D'autre part, le caractère bestial des puissances politiques qui se sont disputées la suprématie de la planète pendant l'Antiquité. Comme l'a dit un grand philosophe, l'homme n'est qu'un animal pensant. Les sociétés humaines ont la cruauté du lion, du léopard ou de l'ours. Et les conflits du monde présent démontrent plus que jamais cette agressivité bestiale, cet égoïsme invétéré et cette insensibilité naturelle de l'homme devant la souffrance de ses semblables. Non, les descriptions de Daniel ne sont pas exagérées. Alors, y a-t-il lieu de désespérer quant à l'avenir ? Effrayé, le prophète a voulu en savoir davantage à ce sujet. Il reçut alors de la part de Dieu un complément d'informations propre à lui redonner espérance. Tout d'abord, Daniel 7, 12. Les autres animaux, soit le lion, l'ours et le léopard, furent dépouillés de leur puissance. Puis, au verset 13, voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. D'une part, le Très-Haut dépouillera un jour les puissances politiques de leur suprématie et de leur agressivité. D'autre part, son fils bien-aimé, celui que les évangiles présentent comme le fils de l'homme, Jésus-Christ, reviendra sur les nuées du ciel pour délivrer ceux qui auront cru en lui. C'est là l'espérance qui remplit nos cœurs. Chers amis à l'écoute, cette espérance est-elle aussi la vôtre? Quelles que soient vos circonstances, je vous engage aujourd'hui à élever vos regards au-dessus des conflits fratricides qui ensanglantent le monde. Jésus-Christ aura le dernier mot. Tout genou fléchira devant lui et tous devront lui rendre gloire. Ne voulez-vous pas, dès aujourd'hui, capituler devant sa souveraineté, fléchir le genou pour l'adorer et le laisser entrer dans votre vie comme Seigneur? Demain, il s'imposera au monde entier comme juge. Aujourd'hui, il se propose à vous comme sauveur. Voulez-vous l'accepter comme sauveur pour qu'il pardonne vos péchés, vous accorde sa paix et la certitude de la vie éternelle ?